Chapitre 14. Alors, le lendemain matin, Romayet avait pris soin d'aller chez le président de bonne heure, de manière à le trouver encore chez lui. C'était vers les 7 heures, c'était même un peu avant 7 heures. Il faisait beau. Le temps s'était découvert pendant la nuit, et le pesant brouillard qui traînait partout la veille au flanc des montagnes était devenu des voiles légers qu'on voyait, transparents et blancs, montés de tous côtés vers un ciel fraîchement repeint. Les deux hommes s'étaient assis devant la maison, sous une treille, dont le raisin commençait à mûrir, de sorte qu'il y pendait des grappes de deux couleurs, avec des grains verts et d'autres roses ou violets clairs, c'est-à-dire en haut de la ruelle qui aboutissait dans le bas, à l'unique rue. Sous les grappes de deux couleurs, contre le soubassement passé à la chaux. Ils se sont assis là, tournés vers le levant. Ils avaient devant eux, par-dessus les autres maisons qu'ils dominaient, toute la perspective de la grande vallée. Ils n'y faisaient pas attention, mais il leur arrivait quelquefois de lever la tête. Alors, là-haut, le soleil, par un trou dans les nuées, leur envoyait sa flèche droit dans l'œil. Et déjà, ils s'étaient à demi recachés, mais on voyait l'un des deux hommes, ou les deux à la fois, dans l'air chaud et frais, frais jusqu'aux genoux ou au ventre, chaud autour de la tête et des épaules, ramener en avant précipitamment l'aile de son chapeau. Ah, c'est un bon archer. Le soleil est apparu tout à coup, il a disparu, il tire ses flèches, elles frappent de leurs pointes dures les feuilles d'ardoise qui sont sur les toits. Et de temps en temps, un homme passait, la hotte sur le dos, montant à sa vigne. « Alors, je suis venu vite vous avertir, » disait Romayet, « parce qu'il y aura peut-être des dispositions à prendre. »« Oui, » disait le président. À ce moment, les deux petites filles d'un voisin étaient parues sur le pas de leur porte, ayant toutes deux un châle de laine croisé sur la poitrine, mordant chacune dans une grosse tartine de beurre avec du miel dessus. « C'est ma fille qui l'a reçue, » avait repris Romayet. Alors, il l'a chargé de me faire savoir qu'il reviendrait ce soir, vers les 9 heures, c'est-à-dire qu'on est le 31, et moi, je lui avais dit, jusqu'au 31. « Eh bien, dit le président, c'est clair, il se rend. » « Il me semble, mais s'il se rend, qu'est-ce qu'il faudra en faire en attendant que la justice soit prévenue ?»« Il vous faudra le garder chez vous, si vous pouvez. »« Oh, je pourrais. » »« Bon, alors, vous lui faites signer un papier, de manière que tout soit en règle, et que nous soyons couverts, nous autres, si jamais il arrivait quelque chose. Après quoi, moi, à votre place ?» Le président a dit, « Je l'accompagnerai tout bravement à Sion. Vous prendriez le premier train. En passant par les hauts, vous n'auriez pas besoin de traverser le village. Personne ne vous verrait. Il n'aurait pas l'humiliation d'être emmené par les gendarmes. » « Oui, » a dit Romayet. « Et s'il ne veut pas, il voudra bien s'il vient chez vous. » « Oh, ça sûrement, il viendra. Il l'a dit à ma fille. Pour le reste, il verra bien qu'on ne cherche qu'à lui faciliter les choses. Mais vous l'avez bien prévenu de ce qu'on attend de lui, qu'il ne fabrique plus ses pièces, qu'il remette à la justice toutes celles qui lui restent, qu'il s'engage à vivre comme tout le monde une fois qu'on l'aura relâché. » Les deux hommes parlaient tranquillement. Leur mère venait d'appeler les deux petites filles pour leur ôter leur châle, et les grandes nuées continuaient à monter devant les montagnes dans leurs robes transparentes, à tissu lâche, qui s'éraillait, puis se dissipait peu à peu. Et le soleil a été nu. Le soleil ne pouvait plus être regardé. Alors le président avait eu chaud aux pieds et Romayet de même. Et tout à coup, le président avait repris. « L'ennuyeux, c'est cette femme. Est-ce que vous lui en avez parlé ?» Romayet secoua la tête. « Eh bien, il faudrait encore qu'il s'engage à l'épouser. Il ne peut pas continuer à vivre comme ça, ni elle. Ça n'a pas bonne façon, surtout s'il revient s'installer au village. Il vous faudrait aborder la question. » Romayet avait eu l'air embarrassé. Il n'a pas répondu tout de suite. Justement, un homme montait de nouveau à sa vigne avec sa hotte, d'où on voyait sortir le bout du manche d'un outil. On crie au loin « Baptiste !» Puis de nouveau, on a entendu crier au loin « Baptiste ! Baptiste !» L'homme à la hotte se tourne vers Romayet et le président. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ne répondent rien, ils se lèvent, ils viennent jusque sur le chemin. Alors, à son extrémité d'en bas, on voit une femme qui court, puis une autre, puis une femme s'est mise à sa fenêtre. « venez vite, Baptiste, oh mon Dieu !» Une voix de femme très aiguë, et elle vient elle aussi de la rue par-dessus les toits, un peu à droite du chemin. À ce moment, un homme paraît au débouché du chemin. Là, il s'arrête. Là, il regarde vers la maison du président, laquelle n'est pas loin. Tout à coup, il découvre le président lui-même debout avec Romayé au milieu de la ruelle. Il lève le bras, c'est tout, pour leur faire signe de venir. On venait de tous côtés. Il y avait déjà un attroupement dans la rue quand les deux hommes y parvinrent à leur tour. Critin était là. Critin leur a dit « Allez vite voir, il faut qu'il soit devenu fou. Qui ?» Farinet. Ils ne comprennent pas, mais ils voient que l'attroupement s'est fait un peu plus loin, devant le bâtiment où est le bureau de poste. Un bâtiment bleu, au revêtement à moitié tombé, étroit, avec trois fenêtres de façade seulement, mais à deux étages. Et au rez-de-chaussée, il y a une sorte de vitrage qui est le bureau, avec un banc où Madame Ray, la buraliste, se tient volontiers. Et voilà qu'elle y est. Comme ils arrivent, le président et Romayet, ils voient qu'elle s'y est laissée tomber, et deux femmes sont à côté d'elle et lui parlent. Ils disent « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne répond rien, elle secoue la tête. « Ah, c'est qu'on l'a volée, cette nuit !» dit une femme. « Oui, » dit l'autre. « Et combien déjà ?»« 800 francs !» dit Madame Ray. « 800 !» Alors, tout à coup, elle crie de nouveau « Baptiste !»« Oui, » dit-elle, « 800 francs !» en beaux billets de 100 et de 50 francs qui étaient dans le tiroir. Tout à l'heure, je suis descendue et le tiroir était comme je l'avais laissé, c'est-à-dire fermé à clé. Je l'ouvre, eh bien, il était venu pendant la nuit, il me les avait pris. » Elle a crié, « C'est lui, oui, c'est lui, Farinet, il a mis son or à leur place. » Et voilà que Baptiste, étant enfin arrivé, va leur montrer, « Moi, je ne peux pas, je ne peux plus bouger, c'est le cœur. Vous verrez, c'est bien ces pièces. » Et le gouvernement dit qu'elle ne valent rien. Il n'en voudra pas. Mon Dieu !» On lui a apporté un petit verre de vieux marc. Cependant, le président faisait éloigner les curieux, puis était entré dans le bureau avec Romayet et Baptiste. Il y avait, partageant la pièce en deux, une paroi de bois percée d'un guichet, avec une porte qui était ouverte. Les hommes passant la porte étaient entrés ainsi dans la partie du bureau où le public n'avait pas accès. Et Baptiste avait dit « Vous voyez, ah, le salaud !» Il montrait le tiroir-caisse grand ouvert avec son casier de fer blanc où se voyaient beaucoup de pièces jaunes très brillantes, un peu trop claires. Puis il le soulève, le casier, il n'y avait rien dessous. Plus un billet, plus une seule pièce d'argent ou de cuivre, mais de l'or tant qu'on en voulait. Farinet avait dû faire le compte, on le connaissait bien, et scrupuleusement remplacé par son or la somme même qui l'emportait. « Ah, le cochon !» continuait Baptiste, « les billets !»« Laisse-moi ça !» a dit le président, « ne touche rien, et va vite me chercher le sautier !» Puis, il tourne la clé dans la serrure, parce qu'il y avait toujours plus de monde dans la rue, où on continuait à parler et à discuter. Les uns disaient à Madame Ray, « Puisque vous avez son or à la place !»« Oh, disait-on, c'est pas la même chose, il n'a pas cours, vous comprenez ?» « On vous l'achètera, » disait quelqu'un à Madame Ray. « Moi, j'en veux bien. »« Ah, fais attention maintenant, parce que c'est défendu, et la justice va s'en mêler. »« C'est quand même pas un voleur, » disait-on. « Je suis sûr que le compte y est. »« Oui, » disait quelqu'un, « c'est un brave homme. »« Il aura eu besoin d'argent. Il est venu faire le change. » Mais on s'est écarté, parce que le sautier arrivait, qui est en même temps garde-champêtre. On avait fait monter Madame Ray chez elle, car il habitait le second étage. Des hommes de bonne volonté s'étaient chargés de faire la police, dont Critin. Et Baptiste, étant revenu avec le sautier, celui-ci avait heurté à la porte du bureau. Voilà comment ça va. « C'est moi !» Il trouve le président qui était justement en train de compter les pièces. Il disait « 42, 42 à 20 francs, le compte y est. » Puis au sautier, « Toi, tu cours prévenir la gendarmerie. » Il dit à Baptiste, « Toi, tu restes pour les constatations. » Romayet ne disait rien. Le café était plein de monde. Joséphine allait et venait, servant le monde. Elle n'avait rien dit. On l'appelait, on lui faisait la commande. Le reste, elle n'avait pas l'air de l'entendre, ne prenant pas part aux conversations engagées à toutes les tables, car tous les hommes du village, ou presque, avaient fini par être là. Il était maintenant 10 heures du matin et atteint un à un par la nouvelle, pendant qu'ils travaillaient dans leur jardin ou dans leur champ, les hommes étaient venus parce qu'on se disait « c'est une vilaine affaire ». Critin hochait la tête d'un air sombre, répétant une fois de plus « il faut qu'il soit devenu fou ». On lui disait « crois-tu ?» Et Fontana, assis à une table avec Ardeva, ne disait rien. « Crois-tu » disait-on à Critin. « Ça pourrait être le contraire ?» Car l'avis général était en effet qu'il devait avoir décidé de quitter le pays. Alors, il s'était vu dans l'obligation de changer son or contre des valeurs, ayant cours partout. Maintenant, disait-on, il devait avoir déjà gagné la frontière. Compte seulement s'il a fait son coup à minuit. On en était content pour lui. Elle, on ne sait pas. Elle semblait être au-dessus de ces choses. Elle allait et venait, portant les chopines et les verres, car la consommation marchait fort ce matin-là, dans son corsage bleu foncé, à col montant, et ainsi au milieu du bruit, indifférente, silencieuse, jusqu'à ce que tout à coup le monde accourut à la porte. C'était la justice qui arrivait. Le président était toujours dans le bureau de la poste, avec Baptiste. Romayet devait être resté avec eux, car on n'avait pas revu Romayet. On avait entendu de loin les grelottières. Saxon, qui est le chef-lieu, n'est guère qu'à 1 heure de Miège, c'est-à-dire à 1/2 heure de voiture. Il était 11h30, ça faisait le compte. Et alors, lui, s'était réveillé. Farinet, dans sa grotte, s'était réveillé. Il bâille, les hommes se poussaient sur la porte du café pour tâcher de voir ce qui se passait, n'osant pas se montrer dans la rue. C'était une espèce de break attelé de 2 chevaux. Les messieurs de la justice, qui étaient 3, étaient dedans, tandis que le sautier et les gendarmes, étant descendus au bas de la côte, ne sont apparus qu'un moment après. Et lui, dans sa grotte, bâille, il s'étire, la paillasse pétille sous son poids comme un feu de sarment bien sec. Ces messieurs de la justice étaient descendus de voiture pendant que le président s'avançait à leur rencontre. Lui sort seulement du sommeil car il a dormi 12 heures d'affilée, ayant à se rattraper d'une longue privation de plus de 3 semaines, où il couchait sous un surplomb de roche, ou bien s'étendait 1 heure ou 2 sur le foin dans un chalet. Alors, il se fait comme ça un compte dans votre corps, comme sur un grand livre, où est inscrit dans une colonne ce qui vous est dû. Il faut qu'on se paie. Il s'est payé, et même largement payé, comme il voit, ayant regardé l'heure à sa montre, il voit qu'il est 11 heures moins le quart. Puis se laisse aller de nouveau en arrière sur sa paillasse, mettant les mains sous sa tête. Dans le renfoncement où il est, le jour n'arrive que par reflet, heurtant une première fois la roche qui ne le renvoie qu'affaibli. Pourtant, il voit à la couleur de la lumière que le temps s'est levé pendant la nuit et qu'il fait du soleil, étant une jolie couleur jaune, comme celle de mes pierres, à la voûte, sur sa tête, de l'autre côté d'une fissure qu'il y a dans le rocher. Le jour bouge, on le voit bouger. Il vacille par moments comme une chandelle qui va s'éteindre. Il ne s'éteint pas, il baisse, il se ranime, il baisse à nouveau, il se rallume tout à coup avec éclat. Et c'est à cause d'une branche qui pend avec toutes ses feuilles devant l'ouverture de la grotte et que le courant d'air dû au torrent fait balancer. Il ne bouge pas, lui, les mains sous la tête, il regarde cette couleur. Car c'est aussi, se dit-il, celle de ses cheveux. Et toutes les bonnes choses de la vie ont cette couleur, se dit-il, fine et pure, douce et chaude, chaude au regard, douce au toucher. Ça y est, c'est décidé. Il a été tout content. Puis il change, les mains sous sa tête. On le voit changer. On voit que sa figure change, comme les grands aspects de la montagne quand le soleil se cache sous un nuage. C'est qu'il y a elle, il y a Joséphine, il se dit, il y a elle, il a dit tout haut, il y a elle, alors il se soulève parce que le repos lui a été pris. C'est là l'empêchement, c'est elle, c'est Joséphine, et la scène de la veille au soir lui revient, et ce qu'elle disait, et est-ce qu'elle n'avait pas raison? Oh, c'est une bonne fille, ça c'est vrai, et dévouée, c'est vrai aussi, et qu'est-ce que j'aurais fait sans elle? Parce que c'est enlevé. Il voit qu'il ne manque de rien grâce à elle, et elle m'apporte tout ce qu'il me faut fidèlement, et même plus qu'il ne me faut. Car il voit, posée sur la pierre, la queue en l'air, les poires qu'elle avait dans son sac, la veille au soir, des louises bonnes, roses d'un côté et dorées de l'autre, déjà bien mûres et bien juteuses. Il voit qu'il a même du café et une cafetière, et que la provision de bois est toujours au complet dans son coin, grâce à elle, qui pense à tout ce qu'il me faut, comme il se dit, allumant le feu. Des allumettes, j'en ai, du papier, j'en ai. Il a eu envie de fumer, alors il voit que dans la boîte de fer blanc, bien au sec, il y a non seulement du tabac, mais un paquet pas ouvert de cigares de la ferme du valet, ce qu'il aime, c'est-à-dire de l'espèce la plus forte dont il allume un. Et c'est avec l'allumette qui lui sert à mettre le feu au papier, dans l'enfoncement où est le foyer, avec un canal pour la fumée, et un tuyau dans le canal. Et c'est elle qui y a pensé. Elle arrive avec son tuyau sous le bras et ça y est, pendant qu'il allume le papier sous les brindilles de pin bien sèches qui ont encore leurs aiguilles et qu'il a disposées dessus en les entrecroisant. Et c'est elle, parce qu'il voit la flamme qui monte tout droit, presque sans fumée, claire et vive, contre la roche où elle se recourbe en se déchiquetant. Alors, il a été chercher de l'eau, là où il y a une source qui ne tombe que goutte à goutte du rocher, mais elle a mis un seau dessous, et c'est elle qui y a pensé. Il n'a qu'à plonger dans le seau la casserole à pied, puis à la poser sur le feu, tirant sur son cigare. Alors, comment faire? Il est 11 heures. Il faut comprendre qu'il ne savait rien de ce qui se passait au village. Il faut comprendre qu'il est ici chez lui. Il s'y croit en sûreté. Il a encore jusqu'au soir pour réfléchir et pour se décider, pendant que la justice fait ses perquisitions à la poste. Puis elle a fait venir Critin, qu'elle interroge. Puis elle a fait venir Joséphine. 11 heures et quart. 11 heures et demie. Le café tombait encore goutte à goutte dans la cafetière à côté du feu pendant qu'il en boit une première tasse et j'ai du sucre parce qu'elle y a pensé. À quoi est-ce qu'elle n'a pas pensé? Il boit son café bien chaud, s'étant coupé une grosse tranche de pain dans la miche plate, un morceau de fromage dans le quartier en forme de triangle. Mais alors, tout à coup, ça s'éclaire en lui de nouveau, comme quand le soleil, en effet, et inespérément, sort de derrière son nuage. Alors les glaciers redeviennent roses, la roche reprend ses belles couleurs, parce qu'après tout, elle a emporté les pièces. Moi, je n'ai plus rien. Pour 1000 francs de pièces, alors c'est qu'elle y tient. Voilà ce qu'il se dit. Elle ne les voulait pas d'abord. Il faut croire qu'ensuite elle a changé d'avis. Alors, il rallume un cigare. Oh, je lui devais bien ça. Et si les choses peuvent seulement s'arranger de cette façon, elle aurait l'argent. D'ailleurs, s'ils me remettent en prison, je n'aurai plus besoin d'elle. Combien de temps? 6 mois? Et ça, c'est le plus dur. Et consentir à ça, c'est dur, parce que si je n'y consentais pas, il faudrait bien qu'ils viennent me prendre. Ils y auraient de la peine. Il va, tout en fumant, examiner ses trous de mine, l'un et l'autre, taillés au ciseau par lui dans la roche bien sèche, l'un au-dessous de l'échelle de corde, l'autre plus avant dans le souterrain qui mène à sa maison, l'un et l'autre, comme il voit, intact. Alors, essayez de venir, gendarme, essayez d'entrer sans mon consentement. Gendarme, avec vos beaux uniformes, gradés ou pas gradés, et en quelque nombre que vous soyez, 2 ou 10 ou 50 ou 100, je n'ai qu'à mettre le feu à mes mèches, et il s'assure encore qu'elles sont restées bien sèches, ayant été trempées par lui dans du soufre préalablement. Et voilà alors, je vais venir et je leur dirai, je me rends. Est-ce possible? Ah, je les vois, ils vont être contents. Ah, je les vois, ils vont tâcher de ne rien montrer de ce qu'ils pensent. Mais ils n'en penseront pas moins, et ça se verra. Te voilà, eh bien, on t'a eu quand même. C'est impossible. Il regarde l'heure à sa montre. Il voit qu'il est déjà 12h30, le temps passe. Alors il voit qu'il faut qu'il se dépêche de réfléchir encore, parce que le soir sera bientôt là. On est le 31, c'est le dernier moment. Devant lui, il a de nouveau l'ouverture de la grotte où le jour pend comme un rideau d'argent. Il va, il écarte ce rideau pour passer. Il est dans le jour blanc et clair qui descend sur lui entre les parois. Même à certains moments de la journée, le soleil, paraissant là-haut, dans l'étroite fente du ciel, vient pour un petit moment jusque sur l'espèce de palier qu'il y a devant l'ouverture, où il s'assied pour réfléchir. Ensuite vient un à-pic d'au moins 50 mètres. Il n'a pas besoin d'étendre beaucoup les jambes pour que ses pieds dépassent et débordent, le dos contre la roche, le bas de sa personne dans le vide. Ici également, il serait singulièrement embarrassé, et de ce côté-ci également, pense-t-il encore, les gendarmes, pour venir me prendre, parce qu'il faudrait qu'ils connaissent les passages, et personne ne les connaît que moi. On voit tout à côté de lui, sur sa gauche, une espèce de corniche qui, partant du palier où il est, chemine un moment au flanc de la paroi lisse, mais à un avancement du roc, elle cesse tout à coup. Au-dessus de lui, il y a quelques sapins qui végètent dans les crevasses, se rejetant tout de suite vers la lumière dans leur poussée par le moyen d'un coude brusque à la naissance de leur tige. Ah, par quoi, il n'y a rien que les deux parois, à peine inclinées et verticales, car le torrent est descendu peu à peu à travers le massif, comme la scie dans un tronc, de haut en bas, directement, sans distraction à droite ni à gauche, de sorte qu'à vrai dire, il y a comme deux torrents, il y a deux cours d'eau, il y a ici deux rivières. Pour lui, qui est pendu entre les deux, fumant un cigare, qui ont presque la même importance, qui ont presque la même largeur, l'une qui est en haut, l'autre qui est en bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il lève la tête, il distingue entre deux lignes droites qui sont les berges une bande de ciel dont le courant se voit à cause d'un nuage qui est tombé dedans. Quand il baisse la tête, quand il l'avance par-dessus ses genoux, là, tout au fond et allant dans le même sens lentement, avec des remous, des retours sur elle-même, il y a l'eau profonde, l'eau lisse, l'eau transparente et pourtant noire. Le bruit qu'elle fait est un bruit doux, un bruit de froissement de soie, un bruit continuel. Alors on ne sait plus si ce qui le produit, ce sont les nuages là-haut, frôlant la surface du roc, ou dans le fond, l'élément même qui se frotte contre la paroi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il jette son cigare qui s'est éteint. Il a ouvert son porte-monnaie. On voit qu'il a compté dans son porte-monnaie les pièces qui lui restent, pas beaucoup, et c'est la suite probablement dans sa tête d'une conversation qu'il a avec lui-même sur ce palier pendu en l'air. « Ah » a-t-il dit encore, « venez-y, oui, venez-y seulement », jetant un regard autour de lui. Puis il met ses bras autour de ses genoux. Alors il l'avait revue. C'est elle qui apparut de nouveau avec son caraco comme un morceau de ciel. Il se dit tout à coup, « Eh bien, j'irai, le 31, ça y est, j'y vais. Et je dirai à Romayet, mais il faut que je lui parle quand même, que je lui parle d'elle. Est-ce que j'oserai ?» Alors il la voit qui lui sourit et elle lui dit, « Il faut oser. » Alors, une espèce de lumière légère apparaît de nouveau autour de sa bouche. Si elle veut bien de lui, elle, et elle veut bien de moi, je crois, parce que j'ai été en prison, mais elle sait bien pourquoi j'y ai été. Et ils vont m'y remettre, mais c'est que je m'y serais laissé remettre. Alors, voilà, on sera en règle, pense-t-il. Alors, la petite lumière a pris de la force dans sa barbe courte. J'aurai payé, on sera tranquille, et Joséphine aura l'argent. Je travaillerai de nouveau aux vignes, Romayet a du bien, ça lui fera déjà l'économie d'un ouvrier. Et puis, j'irai chez Paltani, le maçon, parce qu'il me fera bien crédit, lui. Il me connaît depuis longtemps, pour ses façades, pour que ce soit beau chez nous, pour que ça soit propre. Je taillerai les arbres, je retournerai le jardin, je repeindrai les contrevents. Elle viendra voir où j'en suis. Elle viendra le soir. Il s'est mis à sourire tout seul sur son palier. Je lui dirai, vous voyez, ça avance. Elle dira, oh oui, vous avez bien avancé. Et je dirai, demain, on commence à réparer les chambres. Quel papier faudra-t-il qu'on mette? J'ai dit à Paltani d'apporter des échantillons. Voyons, se disait-il, s'il me condamne à 6 mois ou 8 mois, quand est-ce que je serai libre? Il fait le compte, ça va bien, j'aurai encore 3 mois de beau temps devant moi, oui, juillet, août et septembre, j'aurai taillé les arbres, j'aurai retourné les carreaux, tout sera fini pour la vendange. Il faut laisser aux choses le temps de se faire. Il faudra me laisser aussi le temps de prouver que je sais tenir mes engagements. Mais voilà, elle sera là, et puis la maison sera prête. De quelle couleur, se dit-il, est-ce qu'il faudra la peindre? Rose, ou bien bleue, ou bien jaune, ou bien blanche? Car il y en a des bleus, des jaunes, des roses dans le pays. Il faudra que je lui demande. On dira à Paltani de faire des échantillonnages sur la façade du côté du village. Et puis je dirai à Thérèse, voulez-vous venir? Vous voyez? Ah, elle dira, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pour que vous choisissiez. Ah, dira-t-elle, c'est joli. Pourquoi est-ce qu'on ne peint pas la maison de quatre couleurs? Moi, je veux bien, mais qu'est-ce que dira le monde? Ça l'amuse sur son palier. Il rallume un cigare sur son palier. Il rallume dans le demi-jour qu'il fait ici un cigare tout neuf, voyant une grande lumière qui se lève sur sa vie. C'est ça, la liberté. Une femme et une maison à soi. Les montagnes, c'est beau, mais ça ne vous aime pas. Ça fait clair devant vous dans l'air et blanc, mais ça ne vous voit pas, ni ne vous écoute. Ça ne s'occupe pas de vous. Elles sont mille, mille et mille, et vous, devant elles, vous êtes tout seul. Il se passe la main sur la joue, il se dit, ce n'est pas tout. Il faut encore que je me fasse beau. Il avait dû allumer la lanterne pour se raser.